Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire Elsie Reefer, la vie d'une grande bourgeoise anglo-montréalaise et sa passion pour le jardinage. Je me souviens, M. le curé de Saint-Octave était venu là, la voir, il venait la voir souvent. Puis il a dit, mon Dieu, il dit, vous êtes comme au paradis ici. Ben, elle dit, si le paradis peut être comme ça, je vais être contente. Le paradis d'Elsie Reefer, dont parle Rachel Turgeon-Dionne, qui a été gouvernante de la famille Reefer pendant des années. Ce paradis, c'était la propriété des Reefer à Métis-sur-Mer et surtout les magnifiques jardins qui l'entouraient. Durant plus de 40 ans, Elsie Reefer a aménagé ces jardins qui restent aujourd'hui encore parmi les plus beaux du continent. Mais la vie de cette femme au parcours exceptionnel ne s'arrête pas là. Elsie Reefer sera, à sa manière, une femme d'influence dans la mesure où pouvaient l'être les femmes de son rang à cette époque de la fin du 19e et du début du 20e siècle. C'est ça qu'elle m'a dit une fois un matin, l'avant-veille qu'elle, je pense, elle a dit, vous pouvez pas vous imaginer quelle douleur que ça me fait de laisser abandonner mon jardin. Donc, la dernière fois qu'elle a arpenté son allée royale, en quelque sorte, c'est en chaise roulante. Oui. Vous avez vu ça, oui? Oui, j'ai vu. Puis, elle a commencé à être aveugle. Donc, c'était pénible. Avez-vous pleuré, vous? J'ai pleuré quand elle est morte. Oui. Oui, ça m'a fait quelque chose. C'est quand même une belle histoire, une très belle histoire. Oui. À nouveau, Rachel Turgeon-Dionne, gouvernante de la famille Reefer, au micro de Robert Tremblay à l'émission D'Est en Ouest en 1995. Pour faire le portrait d'Elsie Reefer, je reçois Karine Hébert, qui est professeure d'histoire à l'Université du Québec à Rimouski. Karine Hébert, bonjour. Bonjour. Faire le portrait d'Elsie Reefer, c'est plus que faire le portrait d'une seule femme. C'est, au fond, Karine Hébert, faire le portrait de toute une société, cette bonne société anglo-montréalaise, impérialiste de la fin du 19e et du début du 20e siècle. Comment décrire cette société à laquelle appartient Elsie Reefer? Il faut savoir qu'à cette époque-là, Montréal est vraiment le cœur économique là, du Canada et la grande richesse canadienne est à Montréal. Et Elsie Reefer appartient à cette communauté-là. Donc, c'est quand même une communauté qui habite dans ce qu'on appelle aujourd'hui le Golden Square Mile, qui est le cœur de la ville de Montréal aujourd'hui, autour de la rue Sherbrooke notamment. Près du Musée des Beaux-Arts, du Ritz-Carlton, dans ce coin-là. Rue Drummond, ouais. Ces choses-là. Donc, c'est vraiment une vie fastueuse, une vie de monde des affaires. C'est le moment où est-ce que se crée, en fait, le Canada qu'on connaît aujourd'hui. On est quelques décennies après la Confédération et se mettent en place les grandes fortunes qui vont faire Montréal et les femmes ont un rôle à jouer dans cette société-là. De grandes fortunes, de grands industriels qui vont développer le pays par le chemin de fer, les bateaux, c'est là-dedans qu'on est. Oui. Et vous le dites, c'est aussi le parcours d'Elsie Reefer, le parcours d'une femme. Comment une femme de cette bonne société... quel rang a-t-elle? Quelle est sa fonction? Comment réussit-elle dans ce cadre-là à respecter le cadre, mais à quand même se réaliser, s'accomplir, exercer une certaine forme d'influence? On écoute l'arrière petit-fils d'Elsie Reefer, Alexander Reefer, qui est aujourd'hui à la tête des Jardins de Métis, parler justement de sa grand-mère à l'émission D'Est en Ouest en 1995. On entend des histoires de Mme Reefer qui sont d'un type spécifique. C'était une femme avec ses idées propres, dirigeait un petit peu la vie des enfants, des petits-enfants. Et moi, j'ai trouvé une femme peut-être différente, une femme qui avait la correspondance avec des hommes d'affaires, avec des hommes politiques, qui se libère un petit peu de son milieu parce qu'elle était une femme assez libérée à l'époque. Elle faisait des choses que presque personne faisait à l'époque à Montréal. Elle était une femme qui était pleine de charité, pleine de savoir le milieu. Elle faisait certainement travailler les gens de milieu au jardin, mais elle avait aussi aidé les gens pour être éduqués, pour les envoyer pour faire des études, donner des choses aux églises et tout ça. Elle était une femme de sensibilité, de sensitivité assez développée, à mon avis. qu'est-ce qu'être une femme de ce rang-là à cette époque-là? C'est la question. Et dans ce contexte-là, Karine Hébert, quel genre de femme était Elsie Rayford? Comment elle réussissait ou pas à se distinguer comme femme de son rang à cette époque-là? Ben, d'une part, quand on travaille dans les archives d'Elsie Rayford, on se rend compte que c'est une femme qui est extrêmement volontaire, qui est très, très, très intelligente, qui est très curieuse, qui a lu toute sa vie. D'ailleurs, paraît-il qu'elle s'est lancée dans des études de grec ancien à l'âge de 85 ans. Donc, on parle vraiment de quelqu'un d'affirmé, particulièrement sévère, conservatrice, mais qui était très, très consciente de son rang, de la place qu'elle devait occuper, et qui a essayer autant que faire se peut de se rendre à la limite de ce que ces possibles-là lui permettaient de faire sans jamais vraiment vouloir les dépasser. Mm-hmm. Et des femmes de son rang, ce qu'on attendait, en fait, c'est d'être souvent en appui à la famille, de servir d'intermédiaire souvent entre la famille, le monde politique, hein, parce qu'on s'entend, là, le monde politique de cette époque-là, c'est beaucoup les grandes familles de l'époque et les femmes ont un rôle à jouer d'intermédiaire là-dedans. Et elle l'a joué toute sa vie, elle aimait faire ça, je suis convaincue. Quand on voit sa manière d'écrire, c'est vraiment quelque chose qu'elle appréciait énormément. Pouvoir d'influence, ça se passe dans les salons de ces grandes maisons de Montréal. Oui, dans les grandes institutions aussi de philanthropie, par exemple. Oui. Quelle cause elle va décider d'épouser, elle? Parce qu'effectivement, ça fait partie du devoir des femmes de ce rang. Quelle cause elle va décider d'épouser, Elsie Rayford? Bien, on attend des femmes hein, que s'investissent dans certaines œuvres philanthropiques. Toutes les femmes de la bonne société l'ont fait à différents niveaux. Elsie l'a fait avec principalement le Montreal Maternity Hospital, donc qui était un hôpital dont l'objectif était de fournir aux femmes relativement pauvres un soutien médical au moment de leur accouchement. C'était un hôpital qui était en lien avec l'Université McGill pour les étudiants en gynécologie, en obstétrique et tout ça. Elle a toujours été très, très près de l'Université McGill. Elle a beaucoup, beaucoup travaillé avec l'Université McGill. Donc, ça a été l'œuvre de sa vie. Il y en a eu d'autres, là, mais... Vous dites qu'elle savait reconnaître et respecter le cadre. Oui. Hein? Le début du siècle, c'est aussi le mouvement des suffragettes. Là-dessus, par exemple. Sur les questions féminines, plus largement, jusqu'où ira-t-elle? Sur la question des suffragettes et sur les autres grandes questions qui touchent les femmes, quelle position elle aura? C'est là qu'on voit vraiment qu'elle a jamais voulu transgresser ces frontières-là parce qu'elle n'a jamais, en tout cas, j'ai jamais réussi à trouver quoi que ce soit dans ses archives où, en fait, il y a rien qui transparaît. Comme par exemple, elle n'a jamais été membre du Montreal Local Council of Women, qui était la grande association féminine de l'époque qui a adhéré à ces idées de suffragisme-là pour les femmes. Alors que la présidente du Montreal Local Council of Women, Lady Drummond, était une personne qu'elle connaissait très bien. Ouais. Et elle était amie avec plusieurs femmes qui ont investi ce mouvement-là, mais elle ne l'a jamais fait. Et elle en était consciente. Ouais. À plusieurs reprises, on peut voir, oh, j'aimerais être un homme pour pouvoir faire telle chose. Et elle se refusait d'aller le faire, mais elle testait jusqu'à la limite, finalement. Ouais. Faut dire qu'elle a... Elle est respectueuse du cadre, elle est issue d'une très, très grande famille, de grandes familles au pluriel. Un mot là-dessus, parce que c'est assez extraordinaire, et ça nous en dit beaucoup sur qui elle est aussi, sur ses origines en tout cas. Parlez-nous un peu de quelle famille elle est originaire. Bon, Elsie Rayford est née à Perth, en Ontario, en 1872. C'est une Megan de naissance. Son père est un marchand, un industriel important. Il va devenir, avec les années, le président de la Lake and Woods Milling Company, qui était la grosse meunerie qui produisait la farine Five Roses, qui était la plus grosse meunerie dans l'Empire, en fait, à cette époque-là. Sa mère, Elsie Stephen, est la petite sœur de George Stephen, le président du Canadien Pacifique, qui va devenir Lord Mountstephen. Donc, c'est vraiment deux grandes familles d'industriels, les chemins de fer, les ressources naturelles, la production, tout ça, vont s'associer. Les Megan vont déménager à Montréal au début des années 80 pour vraiment travailler avec les Stephen. Et ça va devenir des familles importantes là, dans l'horizon montréalais. Et puis, toute femme qu'elle est, elle est de ce milieu et donc elle aura quand même, elle bénéficiera quand même d'une éducation de grande qualité. Oui, elle va avoir une formation en langue très, très poussée, en français, en anglais, en allemand. Une très grande formation aussi en art de manière générale, particulièrement en musique. Elle va faire du violon pendant très longtemps. Paraît-il qu'elle était une très, très bonne violoniste. Ses parents, comme certaines de ses consoeurs assez privilégiées, vont lui payer 2 ans de voyage en Europe pour parfaire son éducation, donc à Dresde, à Paris et tout ça. Et on a là ces journaux intimes de l'époque avec ses comptes de dépenses, elle allait à l'opéra, dans tous les grands musées, etc. Et je ne sais pas si c'est son amour de l'art, mais en tout cas, elle va épouser un autre grand amoureux de l'art. Il va avoir une collection d'art extraordinaire, une des plus belles du Canada à l'époque. Elle va épouser Robert Wilson Rifford, qui n'est pas le dernier venu non plus. Qui est-il? C'était son voisin, ou à peu près. En fait, la famille Rifford et la famille Meghan habitaient tous les deux sur la rue Drummond à Montréal. Et Robert Rifford est le fils d'un autre Robert Rifford qui avait fondé une compagnie, une grande agence maritime qui travaillait avec la Cunard Line et qui s'était établie là, directement à Montréal et qui faisait de très grosses affaires. Et Robert Wilson va reprendre la compagnie familiale avec les années. Et oui, comme vous disiez, ce sont de grands amateurs d'art. Leur collection a fait l'objet d'études et tout ça. Robert était un très grand photographe. C'est un des premiers photographes amateurs au Canada. Donc, pendant sa formation pour la compagnie, il avait été envoyé dans le coin de Vancouver, Victoria et tout ça, et a acheté son premier Kodak là-bas. Et il a photographié les îles Charlotte, les Haïda et tout ça. Et toute sa collection en ce moment est à la Bibliothèque et Archives nationales du Canada. Et son autre sujet de prédilection de photographie, ça va être sa femme et les jardins de sa femme plus tard. Oui, qu'on peut voir aussi quand on va au Jardin de Métis. Oui. On reviendra évidemment sur cette fabuleuse histoire du Jardin de Métis dans quelques minutes. Un mot encore sur la vie que mènent les Rifford à Montréal. Ils vont habiter l'une des plus belles maisons de Montréal, qui va devenir plus tard le célèbre club privé Mount Stephen Club. En fait, c'est ses parents, Elsie, qui vont prendre la maison de leur oncle. Les Rifford, une fois Elsie et Robert mariés, vont se faire construire une maison de très, très grande qualité avec toutes les commodités modernes, si on veut, sur la rue Drummond, vraiment très proche. Et concrètement, ça veut dire quoi? À quoi ressemble la vie dans ces maisons? Mais c'est une vie qui est très organisée, qui est ponctuée de thé, de souper, de réception, etc. Dans la maison de ses parents, qui était l'ancienne maison de Lord Mountstephen, que ses parents ont racheté plus tard, il y avait d'immenses jardins et on a encore aujourd'hui des clichés très intéressants de grandes, grandes réceptions avec les gouverneurs généraux, etc., etc. Donc, c'est une vie beaucoup tournée vers l'extérieur, vers le monde politique, vers le monde de l'économie. Dans un cadre familial, là, on s'entend. Et dans ce monde tourné vers l'économie et la politique, il y a cette idée d'impérialisme, parce que c'est ça aussi, cette bonne société anglo-montréalaise du début du 20e siècle, fin 19e, début 20e. Elsie Rifford est une bonne royaliste. Et là, c'est assez fascinant. Racontez-nous un peu. Elle va même tenter de convaincre, d'inciter des membres importants de l'élite francophone de Montréal à épouser cette vision de la grandeur de l'Empire. Qu'est-ce que ça va donner concrètement, Karine? Concrètement, je dirais probablement pas grand-chose, mais en fait, il faut savoir que Elsie est devenue une grande amie de Lord Grey, qui a été gouverneur général du Canada au début des années 1904-1911 environ. Et Lord Grey voulait travailler à l'unité nationale des Canadiens français, des Canadiens anglais, tout ça dans une vision de la grandeur de l'Empire. Et il avait demandé à Elsie, qui connaissait très bien une partie de la communauté francophone et qui parlait très bien français, d'organiser des soupers pour amener les gens à se rencontrer. Et une des personnes qui était visée là-dedans, c'était notamment Henri Bourassa. Et il y a une lettre qui est assez réjouissante dans laquelle Lord Grey explique à Elsie comment essayer de faire adhérer Henri Bourassa à ces idées-là. Elsie et Lord Grey partageaient une passion pour la pêche au saumon. Et Lord Grey lui dit essayez de le ferrer comme un saumon, hein, puis le ramener en lui donnant du lest pour l'avoir à l'usure, finalement. Bon, naturellement, ça n'a pas fonctionné du tout. Là. L'histoire en a conclu autrement. Mais c'est vraiment c'est important pour elle d'amener les gens à adhérer à ces grandes idées-là. Là. Puisque vous parlez de pêche au saumon, c'est beaucoup ce qu'elle fera à Métis Beach à l'époque, qui est une station, une des plus courues de la haute société de l'Est de l'Amérique. Au fond, il y en aura quelques-unes. Elle va évidemment éventuellement créer les jardins de Métis, mais d'abord et avant tout, elle découvre ce coin de pays beaucoup plus jeune. Comment ça se passe, cette découverte? À quoi ressemblent les étés, parce que ce sera ça, les étés méticiens de Delcy Reeford? Encore là, sa vie est associée d'assez près à celle de son oncle, Lord Bonstephen, dans la mesure où son oncle avait acheté un grand domaine de pêche sur la rivière Métis. Et rapidement, donc autour de 1918 à peu près, Elsie a pris l'habitude de se rendre là à chaque été. Métis est une grande station balnéaire, si on veut. Les familles privilégiées de Montréal ou de l'Est américain, etc., sortaient de la ville l'été pour parce qu'il faisait chaud, c'était pollué, il y avait des épidémies. Et c'était vraiment un marqueur social que d'avoir sa maison de villégiature. Donc, il y a Kakuna, il y a Murray Bay, il y a Métis. Mais il faut voir que... Burbage qui va devenir la Malbaie. Il faut voir que Métis, Elsie était un peu en retrait du grand, de la grande station balnéaire. Là, où les maisons sont un petit peu plus loin. Elle est vraiment sur le bord de la rivière. Et ses journées se passaient à pêcher, à monter à cheval, à aller se pratiquer au tir. Donc, c'était quelqu'un qui allait beaucoup, beaucoup dans la nature. Là. Mais en 1926... mauvaise nouvelle d'abord pour elle. Son médecin va lui dire « Vous pouvez plus faire ça, il faut arrêter le cheval, entre autres. » Puis il lui suggère « Pourquoi pas le jardinage? » C'est l'étincelle. Elle va donc en 26, elle a, début cinquantaine, commencer à développer ce jardin de Métis. Quelle vision elle va avoir de ce qu'elle veut y faire? On écoute son arrière-arrière-petit-fils, Alexander Reeford, en parler à l'émission « Attendez que je vous raconte », diffusée à Télé-Québec en 2000. Alors, c'est un aménagement tout à fait dans la tradition des grands jardins d'Angleterre, d'où venaient finalement certaines inspirations, parce que mon arrière-grand-mère voyageait beaucoup en Angleterre dans son enfance, ainsi que comme jeune femme, et était inspirée évidemment des grands jardins qu'elle voyait, le jardin Sissinghurst et d'autres jardins des riches aristocrates d'Angleterre. Ce qui est intéressant ici, par contre, c'est d'abord, les jardiniers n'étaient pas des gens qui étaient formés, c'était surtout des gens de la région qui travaillaient auparavant comme guide de pêche sur la rivière. Alors, une fois qu'elle a eu la passion pour le jardinage, elle prenait une guide de pêche puis dit « Monsieur, vous serez mon jardinier dès aujourd'hui. » Alors, les personnes se sont développées des connaissances en conséquence. Alors, des gens qui ont eu l'expérience sur site et qui ont été gardés comme jardiniers alors pour une trentaine d'années à la suite. Alors, M. Coffin, qui était jardinier en chef, et d'autres jardiniers qui ont travaillé sur site pendant presque toute leur vie. Alexander Reeford, l'arrière-arrière-petit-fils d'Elsie Reeford, qui est aujourd'hui à la tête donc des Jardins de Métis. Quel rôle elle va avoir, Karine Hébert, et comment vont se développer aussi ces Jardins de Métis au fil du temps? Et quel rôle va avoir Elsie? Elsie va être la grande architecte de ces jardins-là. De manière générale, ce qu'on sait de la manière dont les jardins se dessinaient à l'époque, c'est qu'il y avait des aménagistes professionnels qui arrivaient, qui dessinaient les jardins. Elsie a toujours refusé de faire appel à ces gens-là. Elle a dessiné elle-même ses jardins. C'était pas une entreprise évidente. Métis, c'est pas mal à l'est, c'est très au nord. Le climat est rigoureux. Elle a réussi à faire pousser des plantes là où est-ce qu'on pensait que ça serait jamais possible. Mais pour y arriver, il fallait qu'elle travaille le sol, qu'elle amende le sol beaucoup, beaucoup. C'est une terre qui est assez glaiseuse, donc il fallait rajouter du compost, du sable. Dans l'extrait qu'on vient d'entendre, on voit qu'elle avait amené des gens à travailler chez elle. Mais il faut quand même voir, on est dans une logique de classe, j'oserais dire. Elle avait besoin de feuilles, par exemple, pour faire son compost. Et elle échangeait des feuilles des habitants de la région contre du saumon. pendant la crise économique. Là. Okay? Donc, ça montre bien que les habitants de la région n'avaient pas accès à la rivière. La rivière lui appartenait. Oui. Il y avait des gardes de pêche. Donc, si les gens voulaient avoir accès aux ressources de la région, ils devaient passer par elle. Puis bon, elle a quand même mis en place ce troc-là. Mais il y a quand même une logique de possession de du sol là, qui est importante. Puis en fait, c'est la grande vie. La grande vie qu'on a décrite déjà à Montréal, elle la vit, cette même grande vie dans le contexte du Bas-Saint-Laurent. On écoute à nouveau, vous allez voir, c'est assez extraordinaire, sa gouvernante, Rachel Turgeon-Dionne, décrire un petit peu à quoi ressemblait la vie d'Elsie Rayford à Métis. Le matin, elle se levait vers 10 heures, elle descendait, puis elle s'en allait dans le jardin. Elle passait tout l'avant-midi, elle dînait à 1h30, elle rentrait à 1h30, puis après 1h30, elle allait au repos. Vers 5h, c'était le thé. Mais vers 4 heures, là, elle se levait et elle faisait sa correspondance. Oui. C'est elle qui faisait sa correspondance. Ah, oui. Puis elle faisait sa correspondance. À 5 heures, c'était le thé. Mm-hmm. Puis elle s'en allait dans le jardin encore jusqu'à 7h30, le souper. Là, elle rentrait à 7 heures pour se préparer pour le souper. Là, c'était le souper de la parole, le grand souper. Oui. À 7h30, là, elle rentrait, puis elle allait s'habiller. Là. On allait... Moi, j'allais lui aider quand j'étais là. Puis mes petits grands robes, puis des affaires fanfarlues, je pense. Oui, elle tenait à s'habiller avec, même s'il n'y avait pas d'invité. Non. Toutes les soirs. Je ne l'ai jamais vue en robe courte, puis... Même si elle et son mari étaient seuls à table. Seuls à table. Et lui, monsieur était habillé en... Pas en Prince Albert, là, mais... elle, en grande robe, en grande tenue. Qu'est-ce qui reste de cette époque, Karine Hébert? Qu'est-ce qui reste de la présence d'Elsie Rayford quand on visite aujourd'hui les Jardins de Métis? Bien, depuis, Elsie a quitté les Jardins autour de 1955. Elle les a donnés à son fils aîné, Bruce, qui n'a pas pu les conserver. Ça coûtait très, très cher à mener. Qui les a vendus au gouvernement du Québec en 61-62. C'est l'époque de la Révolution tranquille où est-ce qu'on veut... c'est l'époque de la reconquête économique. Là. Il y a un symbole quand même assez fort là-dedans. Mm-hmm. On récupère les jardins de la grande bourgeoisie anglophone. Mais le gouvernement va les ouvrir au public à partir de ces années-là. Dans les années 90, en 95, au moment où est-ce qu'on privatise plusieurs infrastructures touristiques comme le Zoo de Québec et tout ça, le gouvernement va vendre les jardins aux amis du Jardin de Métis. Et il y a une très, très grande volonté de reproduire les jardins originels pensés par Elsie. Puis on va utiliser toutes les photos de son mari pour y arriver, tous ses carnets aussi. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en 2017, quand on visite les Jardins de Métis, on voit pas mal les collections d'Elsie, la manière dont elle avait pensé ces jardins-là. Et dans la grande maison de Métis, dans la Stephen Lodge, il y a des expositions qui rappellent son passage là-bas aussi. Karine Hébert, professeure d'histoire à l'Université du Québec à Rimouski, merci infiniment d'être venue nous voir. Ça m'a fait plaisir. Merci. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.